Vous pouvez réécouter cette émission ainsi que consulter la liste de toutes les chansons jouées via le CISM893.ca et l'application mobile de CISM. Bonjour à toi, cher auditeur de CISM. Et oui, tu écoutes Critique de Crowd avec Jolaine Ruet jusqu'à 4 heures. Critique de Crowd, ben oui, ça critique les foules. Je les observe, je les apprécie. Oh, des fois, tu fais des affaires que je comprends pas toujours, Crowd. Ou plus particulièrement, toi, chanteur et tes commentaires. Il y aura des vertes et des pas mûres, des belles et des moins belles, mais surtout beaucoup de sable et de fantaisie quand même. Un joli lieu que... où était installé le EV Montréal cette année au jeu des plaines. Bref, tu peux te prendre pour un Olympien le temps de d'attendre un spectacle parce que oui, il y avait des trapèzes. Alors, partie 2 pour ceux qui ont suivi Critique de Crowd la semaine dernière. Et c'est dimanche. Ben oui, j'y vais de façon presque chronologique puisque ça se peut que je fasse des petits retours sur des bandes que j'ai pas parlé la semaine dernière. Ben oui. Une fin de semaine complète, ça en fait du contenu sur les ondes de CISM. Mais sinon, c'est sûr qu'on va jaser avec Alex Gingras du cours de maths puisqu'il a des anecdotes tout à fait savoureuses à propos de Blind Guardian. Et là, je viens de rater le nom. Blind Guardian. Là, vous voyez surtout que je suis pas très fan, mais lui, si. Alors, il va pouvoir mieux en parler. Et surtout, on a des goûts musicaux plutôt différents. Question mentale. Alors, il y aura son point de vue sur la foule. Et sinon, bon, on va commencer tout de suite en musique avec les Breastfeeders. Non, ce n'est pas très métal, me direz-vous. Effectivement, mais c'est l'album que j'ai probablement le plus écouté de ma vie. Les matins de grand soir, ils fêtent leurs 10 ans cet été. Ils fêtent leurs 10 ans cette semaine même. Et je me dis que ça a été une grosse été. La semaine dernière, c'était l'album des vulgaires machins, Compter les corps. Et cette fois-ci, les Breastfeeders. Mon Dieu, 2006, tu aurais été marquant au Québec. Et on va commencer avec justement une des chansons que je trouve les plus marquantes de l'album. Tout va pour le mieux dans le pire des mondes. Je sais qu'il n'y a pas que l'on est en rire, on est des voitures. Feeders. On ne se tannera jamais de les écouter. Je dis on, mais j'espère que c'est bien partagé. En tout cas, c'est mon cas, puisque je les passe constamment. Ça va avoir besoin de célébrer leur anniversaire. Les Breastfeeders, vous écoutez toujours CISM, vous écoutez toujours Critique de Crowd. Vous écoutez toujours le spécial EV Montréal. Peut-être me diras-tu, ça fait un petit bout, tu trouves pas? Effectivement, ça fait 2 semaines, mais oui, il y en avait du contenu, puis aussi le temps de se reposer, moi être franche. Je suis en direct, mais j'ai surtout pas vu de spectacle cette semaine pour me reposer pour le déboulot aux fesses. Je t'en reparlerai plus longuement en deuxième partie d'émission. Mais ouais, quand même, c'est demandant physiquement 2 jours. Le pire, c'est que j'ai pas tant trashé, contrairement à mes habitudes, par la simple raison matérielle que mon sac était brisé. Ça, c'est niaiseux, hein, mais c'est parce qu'à un moment donné, je l'ai pas comme tout échappé dans le pit, puis après ça, réaliser que je perds mes notes, puis que je suis en train d'être à un festival puis pas pouvoir en parler sur les ondes de CISM. Ça aurait été vraiment dommage, ça aurait été vraiment triste. Donc, oui, fatiguée d'être surtout debout à la chaleur. Il y a eu des averses durant le dimanche, c'était plutôt tempéré, mais quand même, je pense qu'en tout, en comptant toute ma fin de semaine, j'ai dû rester debout pendant 12 heures de temps. J'ai trouvé ça intense pour mes petites jambes. Quoi que tu vois, si j'avais plus bougé, je pense que ça aurait comme mis de l'énergie différemment dans mon corps. Ça aurait sollicité différents muscles, puis je me serais sentie plus à l'aise. Enfin, peut-être que tu sors de je ne sais où, chers auditeurs, et tu dis, mais qu'est-ce que c'est le EV Montréal? Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Je vais te résumer ça bien, bien vite. Écoute, c'est organisé par Evenco, fin de semaine le 6, le 7 où c'était à la plaine des Jeux. Tantôt, j'ai dit l'inverse. Soyons fous, on va l'inverser constamment durant l'émission Jeux des plaines, plaine des Jeux. Et il y avait en même temps Hillsonic, mais sache-le, le dimanche, non, c'était terminé l'Hillsonic. Alors, plutôt de croiser des danseurs qu'à l'Hillsonic, on croisait des danseurs qui allaient pique-niquer au Floralie. C'était là où étaient les pique-niques. Ou tout simplement des familles qui allaient à la ronde. Tu sais, ça reste le parc Jean-Drapeau. Il s'en passe des affaires. Et dans les nouveautés, oui, nouveau site, parce que d'habitude, c'était au parc Jean-Drapeau, tout simplement. Alors, certains diront « Ih, c'est la fin, plus de petite place, plus petite, effectivement, plus petite programmation, 2 jours au lieu de 3, contrairement à l'année dernière. » Mais je crois qu'au final, ça devient plus convivial. Ouais, c'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Et je crois que comme spectateur, on avait affaire, à une partie festivalier et une autre partie bien mélomane. Alors, pour moi, c'est quand même un bon mélange. Et sinon, peut-être que tout comme moi, comme festivalier, tu en tirais peu ton compte pour les têtes d'affiche, mais en journée, c'était quand même bien intéressant. Alors oui, c'est des groupes qu'on va voir le jour plutôt que dans l'obscurité, tels que Suffocation, Killswitch, Engage, mon Dieu, Hatebreed qui était encore là cette année, Napalm Death. Je vais vous faire les critiques d'à peu près tous ces groupes-là qui étaient ce dimanche. Hey, je te garde en surprise. Par contre, ma première critique, tu vas reconnaître tout de suite avec ce petit extrait. Et oui, les temps changent, des Spice Icons qui faisaient leur retour. Ça faisait 7 ans qu'ils n'avaient pas fait de nouvel album. Beast est sorti il y a quelques semaines. Et ils étaient en spectacle à la scène canadienne, la grosse scène, qui, étaient les premiers aussi à l'ouvrir. Alors, je suis arrivée de bonne heure expressément pour eux autres, puisqu'il y avait un peu avant à la scène Heavy, We Came As Ramen, que je ne connaissais pas du tout. Et je ne le connais pas plus parce que j'ai pas... Je suis arrivée vraiment juste à la fin. Mais j'ai trouvé que j'étais tout de suite dans l'ambiance du festival parce que c'était la fin de leur spectacle et il y a eu un énorme jump collectif. C'était gros pour le début de la journée, c'est surtout ça. L'intensité était vraiment au rendez-vous. Alors, j'ai trouvé ça tout à fait inspirant. Aïe, aïe, aïe. Je me sentais remplie d'énergie grâce aux autres. C'est quand même beau, la crowd. Et parlant de crowd, elle était belle même avant le spectacle, avant le show de Despise. Ça, c'est cute! C'est cute! Parce que le guitariste va prendre une photo avec ses enfants avant le début du spectacle. Oh, attendrissant! Mais c'est surtout l'arrière-fond de la photo. Là, ça a l'air pas clair, dit de même, là, c'est parce qu'il était sur scène. Fait que oui, il voyait la foule. C'était pour prendre une photo comme s'il était en spectacle. Et la foule a fait comme telle. Ils se sont mis à s'énerver, à faire des dévors, les bras en l'air, pour que la photo soit plus belle. J'ai trouvé ça complètement adorable. Ça a été spontané et surtout quand même à l'affût de ce qui se passait sur scène étant donné que c'était le test de son. Mais je vous dirais que même à ce moment-là, les gens étaient excités. Oui, ils étaient déjà nombreux pour voir Despise. Puis je trouve ça quand même étonnant qu'ils ont ouvert le... Ben, en même temps, justement, je suis arrivée de bonheur juste pour eux autres, fait que ça remplit quand même la place. Mais tôt, ouais, je trouve que c'est quand même tôt pour un groupe qui revient chez eux. Fait que nécessairement, il y a une attente, il y a une effervescence, il y a de la folie. Hey, ils ont pris une photo de famille, mais il y avait aussi beaucoup d'enfants au festival. Je pense que c'est une chose qui a été relativement notée. Par contre, je suis quand même curieuse, si vous étiez parmi ses parents au EV Montréal, j'aimerais bien savoir si le festival était bien accommodant pour les familles. Avec les poussières dans terre et dans la boîte, ça avait l'air quand même particulier, mais autrement, est-ce que vous étiez bien servi? Est-ce que vous aviez la vie simplifiée ou c'était pas le cas? Parce qu'on, je pense que l'appellation un peu familiale est venue à mes oreilles à quelques reprises, mais je me demandais si, dans les faits, c'était aussi bien commode pour vous, chère famille. Et quand je dis famille, souvent, c'est aussi des sorties mère-fille, père-fils, mais petit, des tout petits enfants, des bambins, des bas âges. Et je pense qu'il y en a un qui va avoir marqué la foule toute la fin de semaine. C'est le petit gars qui était sur les épaules de son papa et qui faisait des dévoles à tout le monde toute la journée. Il n'a pas cessé une seule fois. Et il y avait un petit manteau, un petit coat avec des patchs, avec ses bandes préférées. Paraît-il que c'est vraiment ses groupes préférés. Enfin, je trouve ça beau. Quelle sortie familiale incroyable et belle, que ce soit pour les musiciens que pour les festivaliers. Par contre, il n'y aura pas de petit bébé dans le mosh pit, là, inquiétez-vous pas. Là-dessus, ça se passe, c'est tranquille, il n'y aura pas, il n'y aura pas d'initiation trop jeune. Et parlant de pit qui explose, ouais, pour The Spice Icon, c'est comme de fait, on s'y attendait que ça allait exploser dans la foule, mais c'est devenu rapidement vide, un peu à mon étonnement, je sais pas si c'est le début de la journée, ou tout simplement, encore une fois, l'espace qui est grand, on accorde énormément de place pour le pit, pour le nombre de participants qui, des fois, finit à être à une dizaine. Chose compliquée que j'ai mentionnée aussi la semaine dernière, ces fameuses clôtures. Ah, clôture de clôture, toi. Ça devient, particulièrement compliqué de savoir où c'est qu'il se passe le fun. Comme à la gauche, j'ai senti que c'était un peu plus moshing. C'est sûr que dans deadcore, des fois, je me demande, tu sais, s'il va y avoir plus de death metalleux que de hardcore. Et ouais, de mon côté, c'était vraiment la prédominance de mosher. Fait que j'explore à ma droite, fait que là, je fais vraiment le contour de la foule pour réaliser, ouais, qu'il y a des circle pits qui se font naturellement, c'est un peu plus trash. Mais ouais, grosse poussée quand même. Et un gars, oh mon Dieu, je sais pas comme, qu'est-ce qui s'est passé. Ben, peut-être, il devait être là déjà de bonne heure ou je sais pas ce qui est arrivé, mais il y avait un bout de Kleenex dans son nez. Véritablement, il avait saigné du nez. Puis il s'était même pas essuyé. Ça, c'est drôle. Genre, il a même pas pris le temps. Il était trop comme, ah, les spectacles, il était trop excité. Mais il est 2h l'après-midi, je veux dire, il était à rescapé à la fin de la journée, je peux pas croire, mais peut-être qu'il a été vraiment intense pour les premiers bands, puis c'était ses bands préférés. Va savoir, mais il était tout à fait prêt à affronter le pit encore et encore, qui était plus des duels, si je peux utiliser l'expression. Ouais, plus des coups 2-2, comme tester la force de l'autre. Et... j'ai parlé de Circle Pit, il y en a un qui est collé par le band, tout comme un Wall of Death, et c'est le moment où l'arroseur s'impose. L'arroseur, c'est devenu vraiment une récurrence, une habitude, il est toujours présent, je sais pas si c'est le même qui engage année après année à Evenco pour tous les événements, puisque Hillsonic, EV Montréal ou Oshiaga, il y a toujours l'arroseur avec son énorme boyau qui rend jaloux les pompiers, puis arrose la crowd de même. Quand il fait chaud, ça fait du bien, mais des fois... C'est peut-être bien personnel. Ah! C'est pas juste personnel parce que moi, je me cache. Sérieux, le jet est tellement puissant et il arrose longtemps. Je trouve ça abusif, pour être franche. Il vise directement le pit puis il est comme ah ah ah ah. Oui, il a l'air de rire d'un des autres parce que tu sais, c'est pas juste comme je vise arrose, c'est coquin. Non, tu sais, genre le drette pitché sur la crowd qui se pousse. Puis après ça, oui, il va arroser un peu tout le monde. Puis ouais, quand il décide de tenir longtemps un espace, tu peux être mouillé pour la journée. Mais reste que à rester là, à arroser le pit puis le trash, j'avais vraiment l'impression que c'était une nouvelle forme d'attraction de Valcartier. Je sais pas si c'était comme l'expérimentation, mais ouais. Mais personnellement, parce que la première année que je suis allée à EV Montréal, là, j'avais été trempe, j'avais mis des jeans. J'étais comme... Ouais, j'ai été trempe vraiment pour toute la journée. bain. Enfin, faut juste faire attention à comment on s'habille ou mettre son maillot de bain. Il y aura pas vraiment de réponse à tout ça. J'avais eu un grand dilemme intérieur durant Despite Icon, puisqu'il y avait Mentor en même temps à la petite scène. C'est un groupe allemand et je pense que c'est leur première visite à Montréal. Fait que j'étais tiraillée entre je sais que la crowd va être malade à Despite Icon, puis en même temps, je vais aller découvrir un autre groupe. Fait que oui, je suis complètement tiraillée. Finalement, je vais aller courir. Je cours le temps d'une chanson, je bifurque. Puis là, je suis comme et je vais y arriver. Petit extrait parce que peut-être que ça ne vous dit rien du tout, Mentor. Deux amis d'enfance dans Mentor, ils existent depuis 2012, mais leur album est sorti en 2014. Il y en a aussi un qui est sorti cette année. Ce qui est drôle, c'est dur de les définir, là. Il n'y a jamais comme une appellation pareille pour le band, que ce soit doom metal, punk, black metal, punk rock, black and roll. Joue un peu dans tout ça, puis tu vas y parvenir, ou tout simplement, va sur leur Bandcamp pour les découvrir. C'est un album que j'ai pas mal écouté l'hiver. Ben oui, cet hiver, quand il faisait frais. Je trouve que ça fit bien dans la noirceur. Et je sais pas quelle attente j'avais envers le spectacle, mais j'ai été surtout surprise! Mais pas « Ah, surprise! » Mais « Ah, oui! Ah, ah! » Mais d'étranges surprises, je m'explique. Déjà, la foule était petite, bah, en même temps, c'est la petite scène, il est 2h de l'après-midi. Je trouve ça quand même normal qu'elle soit pas très grande, ni très énervée, malgré que le groupe est hyper reconnaissant d'être présent. Puis, ouais, ils sont heureux de jouer. Le groupe, ils sont un duo et ils font face à face. Ils sont en bédaine et chauves. Ça a l'air niaiseux comme commentaire. Ça a l'air royalement niaiseux. Mais leurs photos sur Internet, je sais pas, il y avait pas l'air de ça. J'ai eu l'impression comme de me faire avoir. Je m'en fous de ton apparence, sincèrement. C'est juste parce que, tu sais, je l'ai vu, leurs photos. Il y avait l'air à deux hommes ténébreux. Oh! Puis après ça, je tombe sur deux, pas tant bedonnants, mais blamottes, pas de cheveux. Je suis comme, wow! Je me sentais comme une mauvaise date Tinder où les photos étaient comme pas du tout réalistes. Je devais être comme, sérieux, c'est-tu vraiment toi ou je me trompe? Ah non, c'est toi. OK, ben je t'accepte comme t'es, là, t'es cute pareil. C'est juste comme, hey, je m'attendais pas à ça. Ouais, je m'attendais pas du tout à ça. C'est tellement niaiseux. Ouais, ça m'a pris du temps. J'ai pensé que j'étais pas à bonne place pendant 2 secondes, tellement ils se ressemblaient pas. Fait que, faites attention. Des photos trop esthétiques peuvent aussi duper le public. Et sinon, dans la crowd, ben il y avait deux headbangers qui pour moi, agissaient un peu comme des cheerleaders. Ouais, comme tes cheveux, comme des pompons. Oui, ils t'encouragent. Parce que autrement, tu serais devant une rangée de crowd tranquille, qui écoute, attentive, heureuse. Mais cette approbation-là, ce « yeah » de cheveux qui s'emballe, c'est vrai que ça fait une différence. Tu te dis « OK, il y a du monde qui trippe pour de vrai. » Hey, parce que je suis retournée voir Despise Icon, je vous dis, je passais juste une chanson du Romantor. Ben, on va écouter leur nouvel album de Beast avec la chanson « Drapeau noir ». Rock on, rock on, rock on, rock on, rock on, rock on, rock on, rock on, rock on, rock on, rock on, rock on, rock on, rock on, rock on, rock on, rock on, rock on, rock on, rock on, rock on, rock on, rock on, rock on, rock on, rock on, rock on, rock on, rock on, rock on, rock on, rock on, rock on, rock on, rock on, rock on, rock on, rock on, rock on, rock on, rock on, rock on, rock on, rock on, rock on, rock on, rock on, rock on, rock on, rock on, rock on, rock on, rock on, rock on, rock on, rock on, rock on, rock on, rock on, rock on, rock on, rock on, rock on, rock on, rock on, rock on, rock on, rock on, rock on, rock on, rock on, rock on, rock on, rock on, rock on, rock on, rock on, rock on, rock on, rock on, rock on, rock on, rock on, rock on, rock on, rock on, rock on, rock on, rock on, rock on, rock on, rock on, rock on, rock on, r Despise Icon, vous venez d'entendre de cette nouvelle chanson Drapeau noir sur leur album Beast. C'est drôle, c'est vraiment l'album qu'on m'a demandé le plus souvent. Pi, comment t'as trouvé ça? J'ai juste envie de dire que je suis vraiment fan. Je crois que peu importe ce qui arriverait musicalement, les Spice Icons, genre ils se mettent à jouer du country tout d'un coup, je les aimerais. Ouais, fan comme ça. Et voilà. Ben, c'était pas la première fois que je les voyais en spectacle. Je les avais vus au Club Soda, mais c'était la première fois que je les voyais en scène extérieure. Et encore une fois, oui, dans ma critique générale, critique de crowd, critique de spectacle, je crois que je serais tout simplement biaisée. Ah! Hey! Après, c'est dans un autre genre musical, tout à fait, oui, que j'ai découvert, parce que je les connaissais pas du tout, Animals as Leaders, qu'on va écouter drette là. Ben ouais, on a pas mal à faire à du prog metal, du djent et ouais, on me semble qu'on passe dans deux énergies complètement différentes. C'est ce qui était peut-être particulier de la programmation, comment on virait d'un genre musical, oui, dans le metal, mais d'un genre musical à un autre, quand même assez rapidement. Ça laisse place à la découverte ou au désespoir, c'est un ou l'autre. Mais dans mon cas, oui, belle découverte parce que c'est pas le jour des spectacles, je serais allée naturellement étant donné que j'ai comme préjugé. Oui, utilisons le mot préjugé. Comme quoi, je sais pas, dans le prog, le monde sont calmes, ils écoutent. Ils aiment bien ça, checker comment ils jouent bien de la guitare. Comme de fait, chacun leur trip, c'est juste que d'habitude, j'ai l'impression que tu restes relativement tranquille. C'est pas tant le cas finalement. Ben ouais, micro-pit. Fallait être proche pour le spotter, mais il était présent quand même. Je crois que l'exaltation, justement, des solos faisait en sorte que certains voulaient sauter, voulaient pousser, dans le bon principe de pousser son ami, comme pas tant technique, mais plutôt juste pour le bon principe. Enfin, j'ai trouvé ça bien intéressant. Et durant la performance qui a été minée par la pluie, ben oui, petite averse, ben il y a... C'est drôle parce qu'à la même scène, le dernier spectacle qu'il y avait eu la veille, c'était Nightwish, puis aïe, aïe, aïe, qu'il y avait du feu d'artifice, toi. Puis là, c'était l'inverse, c'était des cascades d'eau qui descendaient du toit. Non, ça n'était pas fait exprès, mais oui, c'était esthétiquement, naturellement beau. Et oui, ça a fait fuir quelques personnes, mais ça a aussi prouvé que les fans étaient là, présents. J'ai pas trouvé que la foule s'était tant réduite, étant donné que la pluie avait été courte. Mais surtout, j'avais trouvé pas stratégique pour deux scènes l'arroseur de Despite Icon. Soit il voulait faire compétition à Mère Nature, parce que, tu sais, il y a plus comme 20 minutes après que lui a arrosé toute la foule au grand complet. Fait qu'on était comme juste préparé à être plus mouillé. Waouh! Mais... mais autrement, ouais, gestion d'eau, c'était un peu complexe à ce moment-là au festival. Hey! Ils ont Animal dans le nom du groupe, fait que j'aime bien ça, faire des thématiques tout à fait comiques. On va écouter Bermude, Animal, qui se retrouve sur leur EP Fille allégorique. J'avais pas vraiment les idées claires quand on s'est mis ses pieds sous terre. deux d'ensemble de façon bien différente. Bermude est comme un homme libre avec leur chanson Animal et L'amour entre animaux. Vous écoutez Critique de Crowd, suite de EV Montréal en ce dimanche pluvieux, pas trop pluvieux, tout à fait sympathique. Et concours, fait que reste là parce que, écoute, ça se peut que tu puisses gagner puis t'amuser mardi prochain. Hey, ben à tout de suite! Hey, le BOM! Du 19 au 20 août, on t'invite à Mirabel pour la 6e édition du Déboulot Fest. En musique, Obey the Brave, Exterio, Solids, Mute, Rouge Pompier, The St. Catharines et Dead Obies. Le DBF, c'est pas juste du gros son. C'est aussi rire des blagues louches pendant le volet humour animé par Frank Grenier. C'est aussi trasher en se garochant de la paille. Puis c'est aussi attraper une bière qui a été tirée dans les airs par un gun à patate. Ça brasse en petit péché. Le Déboulot Fest, le festival le plus convivial au nord du Rio Grande, en partenariat avec la ville de Mirabel, Stageline et Solotech. Achetez vos billets au www.lepointdevente.com. Mon nom est Michel Kunta et je vous invite cet été, les samedis à chaque deux semaines, au Beats and Barbecue à l'Abreuvoir, présenté par Sabotage. Et oui, de 15h à 21h, tu vas pouvoir groover sur les beats de nos DJ invités sur notre terrasse, amener ta bouffe et la faire cuire sur notre barbecue et profiter de nos spéciaux sur nos délicieux cocktails. Fait que samedi, après avoir regardé Bulldog Bazar, pointe-toi directement à nos samedis Beats and Barbecue à l'Abreuvoir et pars ton samedi soir du bon pied! Hey, un cerf-volant en forme de chat, je peux-tu mettre ça dans ma bouche? Je pense pas. Des bâtons du diable? Pas sûr, non. Une licorne qui fait du skateboard? Difficilement. Une double India PLL 77 IBU avec houblon cascade et chinook, c'est-tu correct, ça, de bord? Yep, là, t'es en business. Les bartends, tout ce que t'as besoin de savoir sur le nightlife, les cocktails abracadabrant et les délicieuses bières à mettre dans ta bouche. Le vendredi à 14h30 à CISM. Yams! Les 9 et 10 septembre, le festival Ancient Future fera vibrer le quai de l'horloge. Documentsta, XXYYXX, NTO, Cree, Ryan Playground, Robert Robert et plusieurs autres. Plus de 24 heures de musique électronique sur trois scènes au hangar 16 du Quai de l'Horloge pour une expérience immersive unique. Utilise le code promo CISM et obtiens 30% de rabais sur l'achat de billets ou de passeports. AncientFuture.ca. Vous écoutez CISM 89,3 FM. Bébé Boom, ben oui, du vieux Lido B sur les ondes de la marge avec Critique de Crowd, puisque je les verrai samedi qui s'en vient à Mirabel. Ben oui, je m'en vais faire un tour au Déboulot Fest pour ceux qui me suivent sur les internets. Ouais, je me cherchais un lift, là, ça... Là, ça va mieux, là, je vais pouvoir me rendre à Mirabel, vous faire une belle critique dans le foin. Ça a l'air que oui, puis j'ai rien compris de leur pistolet à patates, là, de leur... En tout cas, bref, là, leur gun à patates, ouais, qu'est-ce que c'est le pistolet? Bref, j'ai aucune idée c'est quoi, puis comment ça marche, mais ça a l'air que ça va être bien, bien fou. Est-ce que les Dobies feront Baby Boom et leur vieille chanson? J'ai beaucoup plus l'impression que ça va se finir sur Tony Hawk, puis que le monde va être bien, bien fou. Sinon, ben écoute, Déboulot aux fesses, il va avoir Robert the Brave, Rouge Pompier, il va avoir bien... Ben du punk rock, fait qu'on va bien s'amuser. Tout ça est à suivre pour la semaine prochaine, parce que pendant ce temps-là, j'ai d'autres suggestions de spectacles et de crowd à te faire, chers auditeurs. Doom Squad ce soir avec Country à la Casa del Popolo. Vendredi, j'y serai et je les ai toujours pas vus en spectacle, alors je suis quand même assez énervée. Énervée! Oui, pas énervée. C'est avec un gros A que je m'en vais voir Tribunal avec Fuck Tout à la passe. Et voilà. Sinon, si vous êtes un peu plus très close, parce que, ouais, Tribunal, ça va varger dedans. Mais il y a Elisa, La Fête, Look Sacré au Divan Range. Samedi, si tu es nostalgique de ton punk rock skater et que tu les as jamais vu en spectacle, parce que paraît-il, ça vaut plus tant la peine. Mais je te le suggère! Ben oui, fou de même. Blink 182 au Centre Bell avec A Day to Remember et All Time Low. Dimanche, ils disent des plugs parce que c'est la thématique des 5 à 7 du Quai des Brumes, mais je crois qu'ils sont assez souvent assez acoustique. Merci, Saratoga. Est-ce que c'est une belle façon de les voir dans une belle salle de façon tout à fait intime pour ce duo qui le sont tout autant? Autruche, Happy Abandon et Gustave dimanche, pareillement, au Divan Range. Ben oui, tu peux le combiner, 5 à 7, plus ta soirée. Écoute de la musique tout plein les oreilles dimanche. Lundi, si t'avais envie d'être dans le hardcore et le punk au Bistrot de Paris, que ça fait un bout de temps que j'ai pas visité, il y a Worst Days, Hopeless Youth and Animal Ethnic. Et oui, au Bistrot de Paris. Mardi, et t'en as entendu ces ondes de la marge, puis tu te dis, ça doit être le fun. Prophet of Rage est au Centre Bell mardi. Puis si ça te tente, j'ai des billets pour toi. Fait que t'appelles au 514-3432-476. Puis ça se peut que t'es gagne. 514-3432-476. Ben oui, 2476, ça veut dire CISM en chiffres. On va continuer en musique avec La Fête, que j'ai mentionné comme suggestion de spectacle. Fait qu'on va les découvrir si tu ne l'avais toujours pas entendu. 18e position. Et sinon, La Conversion des Sauvages. Je suis bien, bien heureuse qu'il soit rentré dans le palmarès cette semaine avec un Nouachtoc. Pas trop se taper dessus. Vous venez d'entendre La Conversion des Sauvages, album qui sortira cet automne. La chanson est Nuak Shocked. Et vous avez aussi entendu La Fête avec Marée Haute. Toutes les positions du palmarès se retrouvent sur le site cism893.ca ou sur l'application que tu trouves sur ton téléphone. Bravo à tous les beaux gagnants. Vous êtes beaux. Puis bravo à tous les beaux patients parce que ouais, la ligne ne dégougissait plus. Et sinon, vous écoutez Critique de Crowd. Et toujours un spécial EV Montréal. J'ai l'impression d'y être constamment à pas cesser d'en parler et à pas cesser de parler de Hatebreed. Je dis de pas cesser parce que je crois que parmi, disons, les points qui créent l'insatisfaction. Je vais utiliser ce terme parce que je le trouve assez poli. Ouais, cette espèce de du festival EV Montréal et la répétition de ces têtes d'affiche et tout simplement des groupes qui y participent année après année. On pourrait aussi accuser la même chose de plusieurs festivals, mais Hatebreed ont quand même pour l'occasion fait un t-shirt avec les quatre présences qu'ils ont eues au festival 2008, 2014, 2016, puis j'oublie une date, fait que si tu la sais, écris sur le Facebook de Critique de Crowd et tu auras ma reconnaissance éternelle parce que j'ai vraiment pas les bons yeux, je regardais les archives puis je trouvais pas. Je sentais vraiment aveuglé par le nombre de groupes, tout simplement. Alors oui, Hatebreed, ils sont merveilleux, grands précurseurs du metalcore, ces chers Américains, mais ils sont plutôt souvent là à EV Montréal. Ils sont toujours égaux à eux-mêmes, question performance, et je dirais même, pour dans la crowd, ça rentre au pas, c'est rodé, je vous dirais, au corps de tour, parce qu'il a d'une énergie puissante, ça démolit tout, Hatebreed. Fait que en même temps, je me dis, justement, je les ai déjà vus à l'intérieur au Metal Fest de Trois-Rivières. C'était agréable la proximité avec le groupe, mais c'est... Ouais, à l'extérieur, c'est complètement fou. Si t'es du genre à aimer être dans l'action, tu en as pour ton argent, assurément, c'est complètement fou. On dirait que le fait d'être dehors, le sable, l'air frais qui au moins te rafraîchit quand tu veux un petit break, fait toute la différence. Quand je dis folie, là, je veux dire, il y a eu plein de body surf. Je sais pas si c'est un gars en béquille ou juste ses béquilles ou juste le gars qui a body surfé. Reste que j'espère qu'il a retrouvé toutes ses bouts jusqu'à la fin. Sinon, dans les body surf particuliers, il y a quelqu'un qui traînait un énorme toutou au festival. C'est plutôt mignon. Ben, c'est surtout facile pour te reconnaître dans la foule. Ouais, parce que bon, il y a beaucoup de monde, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais là, il fait body surfer son toutou. Et ouais, non, ça s'est pas bien terminé du tout. Ah! Cœur sensible, il s'est fait démembrer! Ouais, le toutou s'est fait complètement démembrer. À un moment donné, il y avait comme des lancers de pattes de toutou. C'était complètement absurde. Il y avait des mottes de peluche qui revolaient d'un bord puis de l'autre. Je sais pas si je trouvais ça triste ou drôle. C'est juste comme, surtout son peluche! Et sinon, ben écoute, si tu connais pas Hatebreed, ben je te gâte. Le spectacle a commencé avec Destroy Everything. Puis oui, je crois que ça te donne aussi un aperçu de l'énergie qu'il peut y avoir dans la foule. Je l'ai gardé juste assez longtemps parce que j'avais envie qu'il nous le gueule, Destroy Everything. Alors, on va continuer en musique. Oui, façon un peu plus hardcore pour suivre un peu la thématique. Coup de pied d'en face! Ben, ça se peut que t'en aies quand tu vas voir Hatebreed. Fait que fais attention de leur album en tabarnak. On passe à Go! I saw the pistol through the dirt suit on. I saw the de retour sur les ondes de la marge. Alex, tu m'entends-tu? Ben certainement. Hey là là, hey, veux-tu savoir qu'est-ce qu'on a entendu? On a entendu les Scalpés avec Répression d'info, leur album Bleeding Me Dry. Quand même plus ska. Il n'y a pas vraiment de ska, hein, à EV Montréal, mais c'est pas grave, ça me tentait pareil. Sinon, coup de pied en face de leur album en tabarnak, ça donne l'occasion de sacrer en onde et de dire que leur chanson, c'était On part sur Ago. Alex, tu animes le cours de maths. Et ouais, effectivement, c'est pas mal ta tendance, mathcore et tout ce qui est plus technique musicalement. Ben, wow, j'écoute un peu de tout, hein. Tu viens de jouer du Hatebreed, aussi, Destroy Everything, puis c'est dans mon credo aussi. J'étais au show aussi et j'ai trouvé ça fabuleux, mais sinon, oui, pour les fins de CISM, on se concentre sur le math rock, math core, un peu de jazz, et c'est pas mal ça. Oui, parce qu'on s'est croisé Animal as Leaders, puis justement... Tellement, pendant ouais. La pluie, j'ai entendu en parler tantôt, ouais. Ta version des faits en général pour EV Montréal? Ben, moi, en général, j'ai vraiment aimé ça. C'était ma quatrième fois que j'y allais. Puis l'année passée, vraiment, je trouvais l'organisation était boboche, le son était pas bon. Puis, je sais pas, je trouvais ça filait mal. Les scènes étaient vides, on dirait qu'il y avait pas assez de personnes. Puis cette année, là, un gros thumbs up à l'organisation qui, selon moi, ont fait un excellent travail. Le nouveau site... bien plus facile de trouver ses chums puis d'être avec une grosse gang de chums. Moi, j'ai bien aimé ça. Fait que tu fais pas partie de ceux qui craignent la fin de EV Montréal. Tu es plutôt en train de dire qu'ils renaissent bien de leurs cendres après. Après Metallica, parce que je trouve que ça a été une année charnière puis qu'après ça, ça a été une réorientation sur le plan de site et sur la programmation. Ouais, ben, tu sais, moi, au début, j'étais là à l'édition avec Iron Maiden, puis j'ai vraiment trippé. Oh, mon Dieu, c'est la toute première, festival. Celle-là? Ouais, c'était quoi, c'est la première édition? Ouais, exactement. Ouais, c'est ça, puis j'ai trippé comme un balai, ça n'avait aucun rapport. Puis après ça, non, les autres éditions, j'étais tout le temps un peu déçu du fait que je trouvais la programmation un peu... disparate dans le sens qu'il va y avoir des groupes, les fans de Madcore vont avoir un ou deux groupes, les fans de Thrash Metal, un ou deux groupes, tu sais, on dirait qu'il n'y avait pas de ligne directrice, puis l'année passée, je trouve que c'était encore pire, là, quand ils ont essayé de faire ça grand public, puis d'inclure du punk, tout ça, moi, j'étais pas mal sûr que c'était la fin de l'année passée, j'ai bien aimé Faith No More, mais... le reste, je trouvais, c'était la fin. Mais là, moi, je me dis que s'ils gardent avec le plus petit site, là, selon moi, c'est viable. Oui, jusque l'année prochaine, il y a toutes les rénovations du parc Jean-Drapeau. Déjà, Chiaga, c'est pas dans quel endroit ils vont s'installer l'année prochaine. Enfin, je pense que c'est plus c'est ça qui... secret, hein? Ça, oui, ils le savent juste pas, là. Je sais pas. Rendu là. Mais oui, je pense que c'est peut-être juste le point qu'il n'y aura peut-être pas d'édition 2017, mais je présumerais la même chose pour Hillsonic qui s'est passé la même fin de semaine. Hey! Tu m'as dit que tu étais un gros fan de Blind Guardian. Je ne suis pas capable de dire gardien en anglais. Je suis incapable, ouais. Vraiment incapable. Non, non, t'es Blind Guardian. j'aurais aimé ça qu'on n'en parle pas grand public, mais OK, c'est dit, oui, je suis un énorme fan de Blind Guardian depuis... des années. j'ai eu ma passe Power Metal et c'est pas mal le seul groupe que j'écoute encore. Et le show m'a fait triper, j'ai chanté toutes les paroles. Je retombais en adolescence et j'ai croisé le guitariste un peu plus tard en soirée dimanche. Oui, ça c'est du vrai potinage, mais je le trouve tellement cute dans un sens que c'est pour ça que je voulais que tu le comptes à mon émission. Ouais, puis en plus j'ai fait des recherches entre-temps, fait que j'ai un peu plus d'informations. Fait que notre dimanche, je crois que nous deux, notre dimanche s'est fini à Candlemas, si je me trompe pas. Effectivement. Et à ce show-là, bon, je regardais tout le temps la crowd parce que depuis que j'écoute ton émission, j'aime ça voir ce qui se passe en tout. Et qui est-ce que je vois pas juste à côté de moi? Monsieur André Ulbrich, le guitariste de Blind Guardian. Fait que le fan en moi se dit, ah, je vais-tu y parler? Tu sais, je suis encore un peu gêné, hein. Fait que, je me dis, ah, j'y vas-tu pas? Puis là, je me rends compte, à force de me retourner, qu'il se passe une petite scénette d'amourette entre Monsieur André, qui a 49 ans, et une demoiselle qui semble avoir entre 25 et 30 ans. Puis je comparais ça, je t'en aurais parlé, je comparais ça un peu à quand tu vas clubber, là, puis que c'est un peu awkward les premiers moments de est-ce que je me rapproche d'elle, je me rapproche pas. Puis c'est ça que j'ai vécu pendant le show de Candlemass. Ça a été une heure du gars de Blind Guardian qui s'approchait de la fille, puis finalement a entouré ses bras et finalement à la fin l'embrasser. Puis je me disais, c'est vraiment bizarre parce que j'ai été faire des recherches après, il semblerait qu'il est marié. Ah! T'es sûr que c'est pas son sosie? J'espère que c'est son sosie. Ben, regarde, non, c'était lui parce qu'il y avait une passe, un bracelet qui était, je regardais sur scène, j'étais un fin renard, j'ai regardé sur scène, puis j'ai vu que les musiciens avaient le même bracelet que lui avait, fait qu'il y avait aucun doute, c'était Monsieur André de 49 ans, et je crois que c'était pas sa femme qui souhaitait d'être grecque. Et eu deux enfants. Fait que vous l'aurez appris à CISM. Et là, à vrai dire, moi, je trouve ça cute parce que justement, l'amour n'a pas d'âge et surtout, peu importe qui tu peux être gêné d'aller aborder quelqu'un que tu trouves beau. Fait que moi, je pense que Wikipédia n'est pas à jour. Il ne doit plus être marié, là. Sinon, c'est ça que je me dis parce que sa page Wikipédia, il manquait bien des informations, là. Moi aussi, je me dis que, regarde, peut-être qu'il vient d'avoir un break-up puis c'est la première fois qu'il allait revoir une demoiselle, puis à date, là, je trouvais que sa game était pas pire. Il jouait le gars gêné, mais non, j'y donne un bon 8 sur 10 au moins. Alors maintenant, on cote les grosses. Ben oui, hey, pour revenir peut-être rapidement sur Animals as Leaders, des spectacles de prog, t'en as vu plus souvent que moi nécessairement, puisque c'est quand même ton genre. Est-ce que la foule est tranquille ou c'est moi qui avais un mauvais préjugé parce qu'il y a eu un petit pit? Ben, il y a eu un petit fit quand on s'est rencontrés, hein, juste à côté de nous. Oui, des shows de prog, j'en ai vu, mais c'est tellement varié. Le genre prog, là, est dit à pas mal n'importe quel style de musique. À trop de sauce. Un peu plus complexe, des structures très changeantes qui seront pas refrains, couplets, répétés deux, trois fois. Fait que ça change. Je dirais que Animals as Leaders, c'était peut-être la sixième fois, je les voyais parce qu'ils ouvraient pour tous les groupes là, quelques années. Puis souvent, ils ouvraient pour des groupes qui brassaient moins. Fait que c'est la première fois que je voyais un Circle Pit à Animals as Leaders. D'habitude, c'était plus un gros headbang synchronisé par-dessus des mesures qui font aucun sens. Là. Ouais. Mais... Ah, bon, ben on a assisté à quelque chose d'unique alors. C'est quand même bien sympathique. Ben, regarde, c'est la danse de la pluie. C'est oui, moi je pense que c'était ça, c'était direct la pluie, j'ai pas vu d'arc-en-ciel. Et là aussi. Il y avait le Circle Pit avec du monde en chest, puis ouais. Oui. Hey, rappelle-nous donc l'heure, la journée, puis toute de ton émission, le cours de maths. Ah, c'est le moment de la plug gratuite, hein? Yes! Je sais jamais s'il faut que je dise mardi ou mercredi, fait que je dis tout le temps dans la nuit de mardi à mercredi, à minuit. De minuit à 2 heures, puis j'anime ça avec mon collègue Éloi Mayano-Vinet. On tripe musique depuis 12 ans maintenant ensemble, là, qu'on découvre tout le temps de la musique, puis on tripe là-dessus. Fait que le monde qui aime la musique un peu plus complexe, là, venez écouter notre émission. Si c'est trop tard, il y a toujours des podcasts sur le site de CISM. Ben oui, pour les petits oiseaux de nuit ou pour les insomniaques ou pour tous les autres, pour les balado-diffusions. Merci beaucoup, Alex. Hey, en thématique avec Blind Guardian, on va en écouter un petit extrait, question de exciter la crowd, puis se dire, ben voyons donc, voir que ça passe à CISM. Puis ensuite de ça, on va écouter Les Gourous, parce qu'ils ont une chanson vraiment à propos chasseurs de dragons. Hey, merci encore, Alex. Wow. Hey, merci à toi, Jolène. visage du feu. J'ai l'air de penser que j'suis un peu rude. C'est pour réussir à 25 pieds, pour réussir à ton palais. Chasseur de dragon, je l'écris dans mon CV. Chasseur de dragon, j'suis un esti de mon métier. On va t'attraper par la queue. Cloué au sol avec un pieu. Ta crise de l'âme va te couper. Tu vas finir tout décrissé. Chasseur de dragon, je l'écris dans mon CV. Chasseur de dragon, c'est un destin pour métier. La chanson Chasseur de dragons. Merci encore, Alex, pour tes savoureuses anecdotes. Crowd, t'écoutes toujours. CISM, t'écoutes toujours. Critique de Crowd avec Jolene Ruet. Et j'ai eu une section. Oh, ça brassait par là. Fait que ça brassait par là à. Effectivement, ça brassait pour Suffocation, des pionniers du brutal death metal, et le chanteur Frank Mullen était présent pour l'occasion, celui qui a popularisé les vocaux bas et gutturaux. Et tu vois, moi, je torche pas encore, contrairement à lui qui est un maître dans le domaine. Et oui, c'était assez violent comme spectacle à la plus petite scène. Plusieurs ont aussi été choqués par le choix d'avoir des pionniers dans un domaine puis les mettre à la petite scène. Ça pouvait être choquant pour plusieurs, mais en même temps, je me dis que la proximité que peut avoir la crowd avec le groupe dans un cadre de festival, je pense qu'il y a une certaine façon d'être choyé. Prenons-le ainsi, ouais, c'est moi qui vois les choses du bon côté dans la vie, fait que ça se prouve à l'instant. Hey, quand je dis violent, là, effectivement, à la petite scène, ça brassait, on était sur la terre battue, ça allait par là. Le trash était quand même assez grand, mais c'est le nombre de chutes des participants qui me prouve à quel point c'était plus violent que la moyenne des autres pits. Oui, ça tombait constamment. Ça envoyait par là. Et même que j'ai mis mes Doc Martin pour l'occasion parce que, ouais, mettre des ballerines, ce serait pas intelligent et encore moins des sandales. Reste que j'ai réussi à me faire écraser les orteils avec mes Docs durant Suffocation. Fait que je me suis dit, tabarouette, ça swing par là-bas, ça n'a aucun sens. Je veux dire, d'habitude, je suis capable de sauver mes pieds des intempéries, des malheurs et des douleurs, mais non, Suffocation, ce ne sera pas le cas. Non, il n'y a pas de lien. Il n'y aura pas de lien parce que je te l'ai mentionné la semaine dernière, chers auditeurs, comme quoi il y avait beaucoup de poussière, de sable et beaucoup de... C'était pas propre. Ah non, c'était dégueulasse. On va être honnête, à la petite scène, il y avait tellement de terre qu'on en respirait constamment. J'ai croisé des masques, hospitaliers et d'autres gens qui avaient des masques à gaz, carrément. Oui, des fois, c'est par choix esthétique, mais cette fois-ci, c'était d'autant plus pratique. Mais pour tous ceux qui en avaient pas, j'ai eu des doutes de toi, Crowd. J'ai eu des doutes parce que, arc, il y en avait un, là, je le vois, il est dans toute grise. De quoi, là, de vraiment infeste, j'étais comme... Ayark, il y a vraiment un problème d'hygiène, le gars, puis je le sentais super mal. Je veux dire, quel jugement de valeur, tu sais, il a le droit d'avoir les dents pas propres. Ben, je veux dire, écoute, c'est pas tout le monde qui a l'argent, là, pour aller chez le dentiste, là. Écoute, écoute, là, il est pas tout seul, tu sais, à avoir des dents, arc, des dents, arc, juste à temps que je réalise, à cause d'une fille qui avait un rouge à lèvres noir, mais de façon naturelle, ce n'était pas du tout à cause qu'elle avait acheté un rouge à lèvres de couleur foncée. Non, non, ses lèvres étaient noires parce qu'elle respirait par la bouche, donc elle avalait le sable, et le sable se ramassait sur ses lèvres, puis il était noir, il était noir! Fait que tout ça qui avait les dents grises, c'était à cause du sable! Crowd, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. C'est rare qu'il y ait quelque chose qui me dégoûte dans la vie. Je suis assez, bah, là-dessus, je sais pas, là, j'ai de l'endurance, ou je suis accommodante, ou je dis, ouais, j'ai pas de jugement, mais là-dessus, ça m'écœurait un peu que le monde parle, puis j'étais comme, voyons, ils réalisent pas, c'est que c'est pas propre, c'est pas propre pantoute. Fait que, ouais, collectivement, j'ai eu un doute sur vous autres durant ce fucking crowd. Fallait vraiment y être pour comprendre, là, mais avoir autant de jeunes qui ont des dents grises, là, je trouvais ça pas sain ni normal. C'était, ouais, c'était une expérience en soi, c'était assez particulier. Fait que voilà, maintenant mon cœur est vidé. Hey! Dans une autre section, encore une fois, ça brosse par là-bas. On va écouter. Et oui, Killswitch Engage, qui était à la scène Evy. Il y a plusieurs accordaient que c'était dimanche qu'il y avait plus grand nombre de foule, contrairement à samedi. Et je pourrais le constater par rapport à la densité de foule à Killswitch Engage. C'était intense. C'était très dense comme foule et très intense. Pour tous ceux qui sont fans de body surf, c'était le rendez-vous. Il n'y avait pas un body surf, il y en avait une dizaine. En tout temps, constamment. C'était comme comme un tapis roulant de body surfer. Tu sais, il allait jusqu'au bout, il allait se faire récupérer pour la sécurité, demi-tour, il recommence. Je sais pas s'il y a eu tant de body surfers différents, c'était souvent les mêmes parce qu'ils étaient tellement nombreux que c'était impossible de faire la distinction entre les gens. Tout le monde avait le droit de body surfer, mais je devrais quand même accorder que est-ce que c'était pour tout le monde, c'était pour être les plus aventureux, les plus festifs, parce que ouais, il y avait de la vague. Il y avait des trous. C'était assez facile de pogner une débarque en tant que body surfer parce que, justement, il y avait tellement qu'il fallait avoir des yeux partout, mais surtout en arrière de la tête. Fait qu'à moitié, tu regardais le spectacle, à moitié, tu regardais ce qui se passait derrière toi, question de pas manger un coup de pied dans la face ou derrière la tête. Fait que c'est quand même assez intense, d'autant plus qu'il y a quand même un trash, mais qu'il y a quelque chose d'un peu difforme, tellement il y a d'action en haut de soi. Fait que j'ai eu l'impression que j'étais comme, déjà, ça avait été difficile de me rendre jusqu'au pit, là, quand je vous dis danse, c'était le cas. D'habitude, c'était plus vers la fin de la soirée, dans les spectacles les plus attendus, que c'était difficile de traverser la foule. Mais quand j'ai réussi à arriver proche du pit, j'avais l'impression, à cause des body surfers, que j'étais tout le temps comme du jello. J'étais toujours sur une espèce de courbe dans mon corps. Pas mou, mais plutôt flexible, tu sais. Tu te tiens, mais en même temps, il faut que tu t'adaptes au milieu parce que c'est l'incertitude partout. Et tu peux avoir des coups dans le pit. Le monde, tu sais, il essaye d'aider body surfer, mais il perd l'équilibre. Ah, gros bordel, ça avait aucun sens. Je vous dirais que c'était une crowd assez folle, mais ce qui a vraiment miné le spectacle... C'est le chanteur avec ses méchants commentaires gratuits, impertinents, parce que, ben oui, comme bon spectacle extérieur se vaut, il y a des filles et jamais assez de garçons. Hey, soyez plus de gars sérieux à vous mettre sur les épaules de vos copains. Si vous voyez pas le spectacle, là, je veux dire, demandez de l'aide. Moi, l'égalité des sexes va aussi par là. Autant de gars que de filles sur les épaules de vos amis. Fait que bref, cette fois-ci, il y a plus de filles que de gars. Et le chanteur a fait un commentaire comme quoi, ben oui, tant qu'à cacher la foule, vous devriez quand même montrer vos seins. Ben oui, comme ça. il a dit ça de façon anodine. Il n'y avait pas d'humour, il n'y avait pas de finesse. C'était un gros crachat au premier degré que j'ai trouvé tout à fait insupportable, tandis que je trouvais la foule assez amusante, distrayante et quand même, ouais, allumée et intense. Mais le chanteur m'a tellement déçu, et aussi le fait que, ben, il n'y a pas eu de réaction dans la foule. Non, il n'y a pas eu, ben, en tout cas, de ce que j'ai vu, il n'y avait pas de filles non plus qui ont réagi. Là. Ils ont pas, ça n'a pas incité. Et tant mieux, parce que ça, c'est un semi-horde, semi-pas blague, semi-t'es désagréable, sérieux, j'ai perdu toute ton estime. J'étais déçue. J'ai quitté la foule à cause de ça. Et, parlant de t-shirt, je suis tombée sur le couple le mieux agencé. Parlant d'humour, je sais pas si d'habitude je trouve ça drôle ou pas drôle, mais le gars avait un t-shirt « This man has a hangovers ». Puis en plus, on était dimanche, fait que nécessairement, je me disais qu'il avait vraiment brossé le samedi à OEV. Et sa copine à côté, elle avait un t-shirt « Real girl drinks beer ». Là, je disais, ah, waouh! Ils sont tellement bien agencés! C'est clair qu'ils ont magasiné ensemble leurs t-shirts! Fait que je me suis dit, merci, foule! Garde ton t-shirt, tu me fais rire! Gardez vos t-shirts quand vous voulez les garder! Gardez-les tout le temps! Écoutez pas les chanteurs! Gardez vos t-shirts! Sur ce, dans le brutal, je pense que j'en ai jamais passé encore sur les ondes de la marge! Sacrilège! Ils sont si bons! On Human, groupe québécois, je dois les voir un jour en spectacle, mais d'ici ce temps-là, on va écouter État de contrôle! On Human, sur leur album On Human, sur les ondes de la marge avec la chanson État contrôlé. Vous écoutez Critique de Crowd et la magie des internets. Mais oui, Alex, qu'on vient de parler au téléphone parce que c'est un homme occupé, vient de me dire que lui, il en a vu tout plein de scènes durant Kill Witch Engage. Déception. Et ça prouve aussi, encore une fois, à Critique de Crowd, que je suis une seule et unique personne et qu'en tant que festival où il y a des milliers de spectateurs, et oui, il me manque des bouts. Alors, n'hésitez jamais à me partager vos anecdotes de Crowd sur le Facebook de Critique. Tout ça, ça va ensemble, Critique de Crowd, Facebook, tout ça. Ben oui. Fait que comme ça, je peux avoir une meilleure perception des spectacles. En même temps, ça me permet toujours d'être biaisé puis de le raconter à ma façon. Ben oui, quoi, c'est vrai, on est juste une personne dans la vie, tu sais, je vais toujours avoir mon propre regard pour vous raconter ces anecdotes-là. Et là là! Ceci étant dit, je crois qu'ils étaient bien attendus, les grands, les non les moindres, et pour les grands fans, vous avez eu le temps de les voir trois fois plutôt qu'une en temps de 18 mois à Montréal. Ben oui, Napalm Death, et j'ai envie de passer tout de suite la chanson la plus courte, je crois que c'est la plus courte dans les records Guinness, You Surfer. Et voilà, Napalm Death. Je pense qu'ils l'ont même fait durant la prestation. J'ai manqué un début, tout simplement, parce que c'est dense déjà en premier d'aller voir des spectacles, et la brutalité de Napalm Death a quelque chose d'enivrant en soi, même quand on reste bien à jeun. Et quand je dis à jeun, c'est aussi manger. Il y avait quelqu'un à côté de moi au début du spectacle. Ça, j'ai trouvé ça drôle. Je vais vous le concéder. Parce que oui, il y a beaucoup de stands à manger, mais le gars, avant le spectacle de Napalm Death, il mangeait une queue de castor. Je suis comme, ben ouais, pourquoi pas? C'est sympathique, manger du sucré avant Napalm. Mais Ça, le pit commence. Lui, il continue à finir de manger. Comme ça, comme si de rien n'était. Lui, les bousculades, ça dérange pas trop. Surtout le sable, là. Mange pas du sable, garçon. Ça doit pas bien être bon pour la santé. Tu fais ça quand t'as 4 ans, là. Mais après ça, je pense qu'elle a dû changer de savoir sa queue de castor à la fin. Peu importe. Si Blind Guardian, je trouvais qu'il y avait un grand amour de la foule pour le public, pour le groupe plutôt, parce qu'ils chantaient les chansons. À la fin, ils ont longuement applaudi. On sentait que ça voulait un rappel. Je crois que c'est incomparable comme type d'amour, mais Napalm Death était... Ah oui, sa foule, ses fans sont vraiment d'un amour fort, fort, fort. Au début, ils scandaient le nom du groupe pendant la prestation, après la prestation. Oui, tout l'énervement du pit qui était un peu dans le même style que Suffocation, dans l'intensité, dans le sable, dans la folie, dans le tombage. Scander autant le groupe avec ferveur, pour moi, c'est vraiment un synonyme de passion pour son groupe. Ce qui est un peu drôle, c'est que pendant que le monde scandait Napalm Death, il y avait le vendeur de bière qui est passé, puis il était comme « bière, bière fraîche ». C'est drôle, parmi tous les gris, se mélangeait le gars qui voulait vendre et qui était pas gêné. Il est vraiment passé comme dans la foule, bien coincé en avant. Il s'est faufilé un peu partout. Puis je me suis dit, il y a peut-être un bon moment aussi, garçon, pour vendre ta bière. Il me semble que c'est pas le timing, mais les cris des gens camouflaient ses publicités. Alors ouais, c'était quand même particulier, mais... Napalm Death, j'aimerais bien bientôt recevoir Christine Fortier parce que les bands qu'elle a vus à EV Montréal cette année, il y en a plein qu'elle a vus pour leur première fois aussi à Montréal à leur tout début, et dont Napalm, fait que j'ai bien hâte de la recevoir pour vous partager ses anecdotes parce que c'est une belle... Bon, tu comme la chanson « Femme d'expérience ». Ben oui, Christine, c'est une femme d'expérience! Hey, un peu dans le... J'essaie de te dire que ça va gueuler, là. Ben oui, ça va gueuler. Politesse, malaise douteux. Voilà la fin pour Critique de Crowd pour cette semaine. J'espère que vous avez bien apprécié l'émission. J'espère que vous appréciez malgré que je déforme la moitié des noms de groupes. Mais pour tous ceux qui écoutent Critique de Crowd, t'es tout à fait habitué. Mais oui, c'est épouvantable. Je m'appelle Jolene Ruiz. C'est toujours un honneur d'animer sur les ondes de la marge, suggestions et toutes autres affaires que tu peux écrire avec des mots. Envoyez ça sur les internets. Ça va me faire bien plaisir de te lire. Sinon, on se croise à tribunal ou on se croise au Déboulon Fest. Et boy, j'y suis attendu, fait qu'il risque d'avoir bien de la folie. Et je vous dis surtout à la semaine prochaine. Bye bye. Le Festival international de reggae de Montréal est fier de vous convier à sa 13e édition. Les 26, 27 et 28 août prochains dans le Vieux-Port, venez vibrer au rythme reggae avec Coco T, Olatunji, Elephant Man, Spraga Bands, Movado, Charlie Chaplin, Brigadier Jerry, Josie Well, Jamil, Sanchez, Roman Virgo, Barrington Levi et plusieurs autres. Billets en vente sur ticketpro.ca. Info au Montréal International Reggae Festival.com. Une présentation de Black Grove Production. Yo, what's up, my gang de Nwiggas? Ici Brown, brownmtl.bandcamp.com. On vous souhaite un nice 25e anniversaire pour CISM, you know? Niggas are all the fucking show. Salut, c'est Fred Fortin. Vous êtes toujours à l'écoute de CISM 89,3. J'aimerais juste une fois m'envoler, seulement pour te voir la gueule. 3, 4, CISM! Alright, alright, CISM, c'est ta fête! C'est ta fête! Bon, c'est CISM, c'est ta fête! Non, Paul, c'est pas bon, ok? Ici Tony Légal en compagnie de Paul CX. Paul CX. Nous sommes le duo légendaire CX Légal et nous aimerions souhaiter un joyeux 25e anniversaire à CISM. Merci CISM, t'es enfin assez vieille pour qu'on te ramène à la maison après le show. Bonne fight! Hey, allô, je vais te prendre une pinte de blonde, s'il te plaît. OK, mais laquelle? Ben, n'importe laquelle, là. OK, c'est parce qu'on a 18 lignes de fût blonde. N'importe laquelle, de toute façon, ça goûte toute la même chose. Et po-boy. Les bars tombent. Tout ce que t'as besoin de savoir sur le nightlife, les cocktails abracadabrants et les délicieuses bières à mettre dans ta bouche. Le vendredi à 14h30 à CISM. Yams! Yams. C'est quoi, t'écoutes? Le palmarès de CISM? C'est les mêmes 6 tunes que partout ailleurs, j'imagine. T'es malade, c'est juste des bonnes affaires qui jouent pas ailleurs. C'est avec le palmarès de CISM que j'ai découvert Philippe Braque, Loud Larry Adjust pis plein d'autres. Ah ouais, ça vaut la peine d'abord. C'est quand? Du lundi au vendredi à 18h au 89.3 FM ou en podcast sur leur site web cism893.ca. Palmarès de CISM, le meilleur de la marge. Allô, ici Rosie Vallant, vous écoutez CISM. Tu m'as dit que ma vie m'appartenait. Tu m'as dit que ma vie était mon destin. 2 plus 2, ça donne quoi? 6! T'as de la misère avec tes maths? Écoute donc le cours de maths avec Éloi Mayanovinet et Alexandre Duhamel-Gingras de minuit à 2h dans la nuit de mardi à mercredi. Nouveauté de l'univers du math rock, ce style de musique à signature rythmique déjantée, tout en passant par des classiques du genre et ses dérivés. Un 2h pas reposant à CISM. Manque pas ça, jeune! Les 9 et 10 septembre, le festival Ancient Future fera vibrer le quai de l'horloge. Documenta, XXYYXX, NTO, Cree, Ryan Playground, Robert Robert et plusieurs autres. Plus de 24 heures de musique électronique sur 3 scènes au hangar 16 du quai de l'horloge pour une expérience immersive unique. Utilise le code promo CISM et obtiens 30% de rabais sur l'achat de billets ou de passeports. AncientFuture.ca. Vous écoutez CISM 89,3 FM. Hey! Salut les jeunes! Salut les jeunes! Hey, salut vous autres! Mesdames, messieurs, merci! Puis toi aussi! Le gars! Hello! C'est pas juste fait pour les petits casques! Je suis enceinte! Ouais, c'est moi, Séraphin! Ici Jean-Pierre, Maxime Auclair, Pierre-Luc Massé. Ce sont parlé de nos soldats qui sont morts avec fierté pour la patrie.